Section 21 De Mémoire d'Outre-Tombe, volume 4, par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Johanne. Quatrième partie, livre 9e, suite. Prêt à terminer mes recueils et faisant la revue autour de moi, j'aperçois des femmes que j'ai involontairement oubliées. Anges groupées au bas de mon tableau, elles sont appuyées sur la bordure pour regarder la fin de ma vie. J'ai rencontré jadis des femmes différemment connues ou célèbres. Les femmes ont aujourd'hui changé de manière. Valent-elles mieux? Valent-elles moins? Il est tout simple que j'incline au passé. Mais le passé est environné d'une vapeur à travers laquelle les objets prennent une teinte agréable et souvent trompeuse. Ma jeunesse, vers laquelle je ne puis retourner, me fait l'effet de ma grand-mère. Je m'en souviens à peine, et je serai charmée de la revoir. Une Louisianaise m'est arrivée du Mechassebe. J'ai cru voir la Vierge des derniers amours. Célestine m'a écrit plusieurs lettres. Elles pourraient être datées de la lune des fleurs. Elle m'a montré des fragments de mémoire qu'elle a composés dans les savanes de l'Alabama. Quelque temps après, Célestine m'écrivit qu'elle était occupée d'une toilette pour sa présentation à la cour de Philippe. Je repris ma peau d'ours. Célestine s'est changée en crocodile du puits des Florides. Que le ciel lui fasse paix et amour autant que ces choses-là durent. Il y a des personnes qui, s'interposant entre vous et le passé, empêchent vos souvenirs d'arriver jusqu'à votre mémoire. Il en est d'autres qui se mêlent tout d'abord à ce que vous avez été. Madame Tastu produit ce dernier effet. Sa façon de dire est naturelle. Elle a laissé le jargon gaulois à ceux qui croient se rajeunir en se cachant dans les casaques de nos aïeux. Favorinus disait à un Romain qui affectait le latin des douze tables « Vous voulez converser avec la mère des Vendres ?» Puisque je viens de toucher à l'Antiquité, je dirai quelques mots des femmes de ces peuples en redescendant l'échelle jusqu'à notre temps. Les femmes grecques ont quelquefois célébré la philosophie. Le plus souvent, elles ont suivi une autre divinité. Sappho est demeurée l'immortelle Sibylle de Gnide. On ne sait plus guère ce qu'a fait Corinne après avoir vaincu Pindare. Aspasie avait enseigné Vénus à Socrate. Socrate, sois docile à mes leçons. Remplis-toi de l'enthousiasme poétique. C'est par son charme puissant que tu sauras attacher l'objet que tu aimes. C'est au son de la lyre que tu l'enchaîneras, en portant jusqu'à son cœur, par son oreille, l'image achevée de la passion. Le souffle de la muse passant sur les femmes romaines, sans les inspirer, vint animer la nation de Clovis, encore au berceau. La langue d'Oïl eut Marie de France, la langue d'Oc, la dame de Die, laquelle, dans son chastel de Vaucluse, se plaignait d'un ami cruel. « Voudrois connaître, mon gent et bel ami, pourquoi m'êtes tant cruel et tant sauvage ?»« Perque m'êtes vos tant fer, ni tant salvage ?» Le Moyen-Âge transmit ses chants à la Renaissance. Louise l'abbé disait « Oh, si j'ai toi en ce beau sein ravi de celui-là pour lequel vais mourant. » Clémence de Bourges, surnommée la perle orientale, qui fut enterrée le visage découvert et la tête couronnée de fleurs à cause de sa beauté, les deux Marguerite et Marie Stuart, toutes trois reines, ont exprimé de naïves faiblesses dans un langage naïf. J'ai eu une tante à peu près de cette époque de notre Parnasse, Madame Claude de Chateaubriand. Mais je suis plus embarrassée avec Madame Claude qu'avec Mademoiselle de Boisteilleul. Madame Claude, se déguisant sous le nom de l'amant, adresse ses 70 sonnets à sa maîtresse. Lecteur, pardonnez aux 22 années de ma tante Claude, par Kendum Teneris. Si ma tante de Boisteilleul était plus discrète, elle avait 15 lustres et demi lorsqu'elle chantait. Et le traître très mignon ne se présentait plus à son ancienne pensée de fauvette que comme un épervier. Quoi qu'il en soit, voici quelques rimes de Madame Claude, elle la place bien parmi les anciennes poétesses. Sonnet 66. Oh, quand l'amour je suis étrangement traité, puisque de mes désirs le vrai je n'ose peindre, et que je n'ose à toi de ta rigueur me plaindre, ni demander cela que j'ai tant souhaité. Mon œil donc, mes huit, me servira de langue pour plus assurément exprimer ma harangue. Oui, si tu peux, par l'œil, ce que par l'œil je dis. Gentille invention, si l'on pouvait apprendre de dire par les yeux et par les yeux entendre le mot que l'on n'est pas de prononcer hardi. Lorsque la langue fut fixée, la liberté de sentiment et de pensée se resserra. On ne se souvient guère sous Louis XIV que de Madame Deshoulières, tour à tour trop vantée et trop dépréciée. L'élégie se prolongea par le chagrin des femmes sous le règne de Louis XV jusqu'au règne de Louis XVI, où commencent les grandes élégies du peuple. L'ancienne école vient mourir à Madame de Bourdic, aujourd'hui peu connue et qui pourtant a laissé sur le silence une ode remarquable. La nouvelle école a jeté ses pensées dans un autre moule. Madame Tastu marche au milieu du cœur moderne des femmes poètes, en prose ou en vers, les Allard, les Waldor, les Valmore, les Ségala, les Révoil, les Mercœur, etc., etc., Castalidum Turba. Faut-il regretter qu'à l'exemple des Anoïdes, elle n'ait point célébré cette passion qui, selon l'Antiquité, déride le front du Cocyte et le fait sourire au soupir d'Orphée. Au concert de Madame Tastu, l'amour ne redit que des hymnes empruntés à des voix étrangères. Cela rappelle ce que l'on raconte de Madame Malibran. Lorsqu'elle voulait faire connaître un oiseau dont elle avait oublié le nom, elle en imitait le chant. George Sand, autrement Madame Dudevant, ayant parlé de René dans la Revue des Deux Mondes, je la remerciai. Elle ne me répondit point. Quelque temps après, elle m'envoya les liens. Je ne lui répondis point. Bientôt, une courte explication eut lieu entre nous. J'ose espérer que vous me pardonnerez de n'avoir pas répondu à la lettre flatteuse que vous avez bien voulu m'écrire lorsque j'ai parlé de René à l'occasion d'Obermann. Je ne savais comment vous remercier de toutes les expressions bienveillantes que vous aviez employées à l'égard de mes livres. Je vous ai envoyé les liens et je désire vivement qu'elle obtienne de vous la même protection. Le plus beau privilège d'une gloire universellement acceptée comme la vôtre est d'accueillir et d'encourager à leur début les écrivains inexpérimentés pour lesquels il n'y a pas de succès durable sans votre patronage. Agréez l'assurance de ma haute admiration et croyez-moi, monsieur, un de vos croyants les plus fidèles, George Sand. À la fin du mois d'octobre, Madame Sand me fit passer son nouveau roman, Jacques. J'acceptai le présent. 30 octobre 1834. Je m'empresse, madame, de vous offrir mes remerciements sincères. Je vais lire Jacques dans la forêt de Fontainebleau ou au bord de la mer. Plus jeune, je serai moins brave. Mais les années me défendront contre la solitude sans rien ôter à l'admiration passionnée que je professe pour votre talent et que je ne cache à personne. Vous avez, madame, attaché un nouveau prestige à cette ville des songes d'où je partis autrefois pour la Grèce avec tout un monde d'illusions. Revenu au point de départ, René a promené dernièrement au Lido ses regrets et ses souvenirs entre Schildarold, qui s'était retiré, et Lélia, prête à paraître. Chateaubriand. Madame Sand possède un talent de premier ordre. Ses descriptions ont la vérité de celle de Rousseau dans ses rêveries et de Bernardin de Saint-Pierre dans ses études. Son style franc n'est entaché d'aucun des défauts du jour. Les liens pénibles à lire et qui n'offrent pas quelques-unes des scènes délicieuses d'Indiana et de Valentine est néanmoins un chef-d'œuvre dans son genre. De la nature de l'orgie, il est sans passion, et les trouble comme une passion. L'âme en est absente, et cependant il pèse sur le cœur. La dépravation des maximes, l'insulte à la rectitude de la vie, ne saurait aller plus loin. Mais sur cet abîme, l'auteur fait descendre son talent. Dans la vallée de Gomorre, la rosée tombe la nuit sur la mer morte. Les ouvrages de Madame Sand, ses romans, poésie de la matière, sont nés de l'époque. Malgré sa supériorité, il est à craindre que l'auteur n'ait, par le genre même de ses écrits, rétréci le cercle de ses lecteurs. George Sand n'appartiendra jamais à tous les âges. De deux hommes égaux en génie, dont l'un prêche l'ordre et l'autre le désordre, le premier attirera le plus grand nombre d'auditeurs. Le genre humain refuse des applaudissements unanimes à ce qui blesse la morale, oreiller sur lequel dort le faible et le juste. On n'associe guère à tous les souvenirs de sa vie des livres qui ont causé notre première rougeur et dont on n'a point appris les pages par cœur en descendant du berceau. Des livres qu'on n'a lus qu'à la dérobée, qui n'ont point été nos compagnons avoués et chéris, qui ne se sont mêlés ni à la candeur de nos sentiments, ni à l'intégrité de notre innocence, la Providence a renfermé dans d'étroites limites les succès qui n'ont pas leur source dans le bien, et elle a donné la gloire universelle pour encouragement à la vertu. Je raisonne ici, je le sais, en homme dont la vue bornée n'embrasse pas le vaste horizon humanitaire, en homme rétrograde, attaché à une morale qui fait rire, morale caduque du temps jadis, bonne tout au plus pour des esprits sans lumière dans l'enfance de la société. Il va naître incessamment un évangile nouveau, fort au-dessus des lieux communs de cette sagesse de convention, laquelle arrête les progrès de l'espèce humaine et la réhabilitation de ce pauvre corps si calomnié par l'âme. Quand les femmes courront les rues, quand il suffira pour se marier d'ouvrir une fenêtre et d'appeler Dieu aux noces comme témoin, prêtre et convive, alors toute pruderie sera détruite. Il y aura des épousailles partout, et l'on s'élèvera, de même que les colombes, à la hauteur de la nature. Ma critique du genre des ouvrages de Madame Sand n'aurait donc quelque valeur que dans l'ordre vulgaire des choses passées. Ainsi, j'espère qu'elle ne s'en offensera pas. L'admiration que je professe pour elle doit lui faire excuser des remarques qui ont leur origine dans l'infélicité de mon âge. Autrefois, j'eusse été plus entraîné par les muses. Ces filles du ciel, jadis, étaient mes belles maîtresses. Elles me tiennent le soir, compagnie, au coin du feu, mais elles me quittent vite, car je me couche de bonne heure, et elles vont veiller au foyer de Madame Sand. Sans doute Madame Sand prouvera de la sorte son omnipotence intellectuelle. Et pourtant, elle plaira moins, parce qu'elle sera moins originale. Elle croira augmenter sa puissance en entrant dans la profondeur de ces rêveries sous lesquelles on nous ensevelit, nous autres, déplorables vulgaires, et elle aura tort, car elle est fort au-dessus de ce creux, de ce vague, de cet orgueilleux galimatias, en même temps qu'il faut mettre une faculté rare, mais trop flexible, en garde contre des bêtises supérieures. Il faut aussi la prévenir que les écrits de fantaisie, les peintures intimes, comme cela se jargonne, sont bornés, que leur source est dans la jeunesse, que chaque instant en tarit quelques gouttes, et qu'au bout d'un certain nombre de productions, on finit par des répétitions affaiblies. Est-il bien sûr que Madame Sand trouvera toujours le même charme à ce qu'elle compose aujourd'hui? Le mérite et l'entraînement des passions de 20 ans ne se déprécieront-ils point dans son esprit, comme les ouvrages de mes premiers jours sont baissés dans le mien? Il n'y a que les travaux de la muse antique qui ne changent point, soutenus qu'ils sont par la noblesse des mœurs, la beauté du langage, et la majesté de ses sentiments départis à l'espèce humaine entière. Le 4e livre de l'Énéide reste à jamais exposé à l'admiration des hommes, parce qu'il est suspendu dans le ciel. La flotte qui apporte le fondateur de l'Empire romain, Didon, fondatrice de Carthage, se poignardant après avoir annoncé à Hannibal « Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor ». L'amour faisant jaillir de son flambeau la rivalité de Rome et de Carthage, mettant le feu avec sa torche au bûcher funèbre, dont Énée fugitif aperçoit la flamme sur les vagues. C'est tout autre chose que la promenade d'un rêvasseur dans un bois, ou la disparition d'un libertin qui se noie dans une mare. Madame Sand associera, je l'espère, son talent à des sujets aussi durables que son génie. Madame Sand ne peut se convertir que par la prédication de ce missionnaire à front chauve et à barbe blanche, appelé le Temps. Une voix moins austère enchaîne maintenant l'oreille captive du poète. Or, je suis persuadé que le talent de Madame Sand a quelques racines dans la corruption. Elle deviendrait commune en devenant timorée. Autre chose fût arrivée si elle était toujours demeurée au sanctuaire infréquenté des hommes. Sa puissance d'amour, contenue et cachée sous le bandeau virginal, eût tiré de son sein ces décentes mélodies qui tiennent de la femme et de l'ange. Quoi qu'il en soit, l'audace des doctrines et la volupté des mœurs sont un terrain qui n'avait point encore été défriché par une fille d'Adam et qui, livrée à une culture féminine, a produit une moisson de fleurs inconnues. Laissons Madame Sand enfanter de périlleuses merveilles jusqu'à l'approche de l'hiver. Elle ne chantera plus que quand la bise sera venue. En attendant, souffrons que, moins imprévoyante que la cigale, elle fasse provision de gloire pour le temps où il y aura disette de plaisir. La mère de Musarion lui répétait « Tu n'auras pas toujours 16 ans. Careas, se souviendra-t-il toujours de ses serments, de ses larmes et de ses baisers? Au reste, maintes femmes ont été séduites et comme enlevées par leurs jeunes années. Vers les jours d'automne, ramenées au foyer maternel, elles ont ajouté à leur cithare la corde grave ou plaintive sur laquelle s'exprime la religion ou le malheur. La vieillesse est une voyageuse de nuit, la terre lui est cachée, elle ne découvre plus que le ciel brillant au-dessus de sa tête. Je n'ai point vu Madame Sand habillée en homme ou portant la blouse et le bâton ferré du montagnard. Je ne l'ai point vue boire à la coupe des bacchantes et fumer indolemment assise sur un sofa comme une sultane, singularités naturelles ou affectées qui n'ajouteraient rien pour moi à son charme ou à son génie. Est-elle plus inspirée lorsqu'elle fait monter de sa bouche un nuage de vapeur autour de ses cheveux? L'Élia est-elle échappée du cerveau de sa mère à travers une bouffée brûlante, comme le péché, au dire de Milton, sorti de la tête du bel archange coupable au milieu d'un tourbillon de fumée? Je ne sais pas ce qui se passe au sacré parvis, mais ici-bas, Néméade, Phila, Laïs, la spirituelle Egnatème, Phryné, désespoir du pinceau d'appel ou du ciseau de Praxitèle, Léna, qui fut aimée d'Harmonius, les deux sœurs surnommées Affi parce qu'elles étaient minces et qu'elles avaient de grands yeux, Dorica, de qui le bandeau de cheveux et la robe embaumée furent consacrés au temple de Vénus, toutes ces enchanteresses, enfin, ne connaissaient que les parfums de l'Arabie. Madame Sand a pour elle, il est vrai, l'autorité des odalisques et des jeunes mexicaines qui dansent le cigare aux lèvres. Que m'a fait la vue de Madame Sand après quelques femmes supérieures et tant de femmes charmantes que j'ai rencontrées, après ces filles de la terre qui disaient, avec Sappho comme Madame Sand, « Viens dans nos repas délicieux, mère de l'amour, remplir du nectar des roses nos coupes. » En me plaçant tour à tour dans la fiction et la vérité, l'auteur de Valentine a fait sur moi deux impressions fort diverses. Dans la fiction, je n'en parlerai pas, car je n'en dois plus comprendre la langue. Dans la réalité, homme d'un âge grave, ayant les notions de l'honnêteté, attachant comme chrétien le plus haut prix aux vertus timides de la femme, je ne saurais dire à quel point j'étais malheureux de tant de qualités, livrées à ces heures prodigues et infidèles qui dépensent et fuient. Paris, 1838. Au printemps de cette année 1838, je me suis occupé du congrès de Vérone, qu'au terme de mes engagements littéraires, j'étais obligé de publier. Je vous en ai entretenu, en son lieu, dans ses mémoires. Un homme s'en est allé, ce garde de l'aristocratie, escorte en arrière les puissants plébéiens déjà partis. Quand M. de Talleyrand apparut pour la première fois dans ma carrière politique, je dis quelques mots de lui. Maintenant, son existence entière m'est connue par sa dernière heure, selon la belle expression d'un ancien. J'ai eu des rapports à M. de Talleyrand. Je lui ai été fidèle, en homme d'honneur, ainsi qu'on l'a pu remarquer, surtout à propos de la fâcherie de Mons, alors que très gratuitement je me perdis pour lui. Trop simple, j'ai pris part à ce qui lui arrivait de désagréable. Je le plaignis lorsque Maubreuil le frappa à la joue. Il fut un temps qu'il me recherchait d'une manière coquette. Il m'écrivait à Gand, comme on l'a vu, que j'étais un homme fort. Quand j'étais logé à l'hôtel de la rue des Capucines, il m'envoya, avec une parfaite galanterie, un cachet des affaires étrangères, talisman gravé sans doute sous sa constellation. C'est peut-être parce que je n'abusais pas de sa générosité qu'il devint mon ennemi sans provocation de ma part, si ce n'est quelque succès que j'obtins et qui n'était pas son ouvrage. Ses propos couraient le monde et ne m'offensaient pas, car M. de Talleyrand ne pouvait offenser personne. Mais son intempérance de langage m'a délié, et puisqu'il s'est permis de me juger, il m'a rendu la liberté d'user du même droit à son égard. La vanité de M. de Talleyrand le pipa. Il prit son rôle pour son génie. Il se crut prophète en se trompant sur tout. Son autorité n'avait aucune valeur en matière d'avenir. Il ne voyait point en avant, il ne voyait qu'en arrière. Dépourvu de la force du coup d'œil et de la lumière de la conscience, il ne découvrait rien comme l'intelligence supérieure, il n'appréciait rien comme la probité. Il tirait bon parti des accidents de la fortune, quand ces accidents qu'il n'avait jamais prévus étaient arrivés, mais uniquement pour sa personne. Il ignorait cette ampleur d'ambition, laquelle enveloppe les intérêts de la gloire publique comme le trésor le plus profitable aux intérêts privés. Monsieur de Talleyrand n'appartient donc pas à la classe des êtres propres à devenir une de ces créatures fantastiques auxquelles les opinions ou faussées ou déçues ajoutent incessamment des fantaisies. Néanmoins, il est certain que plusieurs sentiments, d'accord par diverses raisons, concourent à former un Talleyrand imaginaire. D'abord, les rois, les cabinets, les anciens ministres étrangers, les ambassadeurs, dupes autrefois de cet homme et incapables de l'avoir pénétré, tiennent à prouver qu'ils n'ont obéi qu'à une supériorité réelle. Ils auraient ôté leur chapeau aux marmitons de Bonaparte. Ensuite, les membres de l'ancienne aristocratie française liés à M. de Talleyrand sont fiers de compter dans leur rang un homme qui avait la bonté de les assurer de sa grandeur. Enfin, les révolutionnaires et les générations immorales, tout en déblatérant contre les noms, ont un penchant secret vers l'aristocratie. Ces singuliers néophytes en recherchent volontiers le baptême. Ils pensent apprendre avec elle les belles manières. La double apostasie du prince charme en même temps un autre côté de l'amour-propre des jeunes démocrates, car il conclut de là que leur cause est la bonne et qu'un noble et un prêtre sont bien méprisables. Quoi qu'il en soit de ces empêchements à la lumière, M. de Talleyrand n'est pas de taille à créer une illusion durable. Il n'a pas en lui assez de faculté de croissance pour tourner les mensonges en rehaussement de stature. Il a été vu de trop près. Il ne vivra pas, parce que sa vie ne se rattache ni à une idée nationale restée après lui, ni à une action célèbre, ni à un talent hors de pair, ni à une découverte utile, ni à une conception faisant époque. L'existence par la vertu lui est interdite. Les périls n'ont pas même daigné honorer ses jours. Il a passé le règne de la terreur hors de son pays. Il n'y est rentré que quand le forum s'est transformé en antichambre. Les monuments diplomatiques prouvent la médiocrité relative de Talleyrand. Vous ne pourriez citer un fait de quelque estime qui lui appartienne. Sous Bonaparte, aucune négociation importante n'est de lui. Quand il a été libre d'agir seul, il a laissé échapper les occasions et gâté ce qu'il touchait. Il est bien avéré qu'il a été cause de la mort du duc d'Enghien. Cette tache de sang ne peut s'effacer. Loin d'avoir chargé le ministre en rendant compte de la mort du prince, je l'ai beaucoup trop ménagé. Dans ses affirmations contraires à la vérité, M. de Talleyrand avait une effrayante effronterie. Je n'ai point parlé, dans le congrès de Vérone, du discours qu'il eut à la Chambre des pairs relativement à l'adresse sur la guerre d'Espagne. Ce discours débutait par ces paroles solennelles. « Il y a aujourd'hui 16 ans qu'appelé par celui qui gouvernait alors le monde à lui dire mon avis sur la lutte à engager avec le peuple espagnol, j'eus le malheur de lui déplaire en lui dévoilant l'avenir, en lui révélant tous les dangers qui allaient naître en foule d'une agression non moins injuste que téméraire. La disgrâce fut le fruit de ma sincérité. Étrange destinée que celle qui me ramène, après ce long espace de temps, à renouveler auprès du souverain légitime les mêmes efforts, les mêmes conseils. Il y a des absences de mémoire ou de mensonges qui font peur. Vous ouvrez les oreilles, vous vous frottez les yeux, ne sachant qui vous trompe, ou de la veille, ou du sommeil. Lorsque le débitant de ces imperturbables assertions descend de la tribune et va s'asseoir impassible à sa place, vous le suivez du regard, suspendu que vous êtes entre une espèce d'épouvante et une sorte d'admiration. Vous ne savez si cet homme n'a point reçu de la nature une autorité telle qu'il a le pouvoir de refaire ou d'anéantir la vérité. Je ne répondis point. Il me semblait que l'ombre de Bonaparte allait demander la parole et renouveler le démenti terrible qu'il avait jadis donné à M. de Talleyrand. Des témoins de la scène étaient assis parmi les pairs, entre autres M. le comte de Montesquieu. Le vertueux duc de Doudoville me l'a raconté, la tenant de la bouche du même M. de Montesquieu, son beau-frère. M. le comte de Sessac, présent à cette scène, la répète à qui veut l'entendre. Il croyait qu'au sortir du cabinet, le grand électeur serait arrêté. Napoléon s'écriait dans sa colère, interpellant son pâle ministre, « Il vous sied bien de crier contre la guerre d'Espagne, vous qui me l'avez conseillé, vous dont j'ai un monceau de lettres dans lesquelles vous cherchez à me prouver que cette guerre était aussi nécessaire que politique. » Ces lettres ont disparu lors de l'enlèvement des archives aux Tuileries en 1814. M. de Talleyrand déclarait dans son discours qu'il avait eu le malheur de déplaire à Bonaparte en lui dévoilant l'avenir, en lui révélant tous les dangers qui allaient naître d'une agression non moins injuste que téméraire. Que M. de Talleyrand se console dans sa tombe. Il n'a point eu ce malheur, il ne doit point ajouter cette calamité à toutes les afflictions de sa vie. La faute principale de M. de Talleyrand envers la légitimité, c'est d'avoir détourné Louis XVIII du mariage à conclure entre le duc de Berry et une princesse de Russie. La faute impardonnable de M. de Talleyrand envers la France, c'est d'avoir consenti au révoltant traité de Vienne. Il résulte des négociations de M. de Talleyrand que nous sommes demeurés sans frontières. Une bataille perdue à Mons ou à Koblenz amènerait en 8 jours la cavalerie ennemie sous les murs de Paris. Dans l'ancienne monarchie, non seulement la France était fermée par un cercle de forteresses, mais elle était défendue sur le Rhin par les États indépendants de l'Allemagne. Il fallait envahir les électorats ou négocier avec eux pour arriver jusqu'à nous. Sur une autre frontière, la Suisse était pays neutre et libre. Il n'avait point de chemin. Nul ne violait son territoire. Les Pyrénées étaient impassables, gardées par les Bourbons d'Espagne. Voilà ce que M. de Talleyrand n'a pas compris. Telles sont les fautes qui le condamneront à jamais comme homme politique. Fautes qui nous ont privés, en un jour, des travaux de Louis XIV et des victoires de Napoléon. On a prétendu que sa politique avait été supérieure à celle de Napoléon. D'abord, il faut bien se mettre dans l'esprit qu'on est purement et simplement un commis lorsqu'on tient le portefeuille d'un conquérant qui chaque matin y dépose le bulletin d'une victoire et change la géographie des États. Quand Napoléon se fut enivré, il fit des fautes énormes et frappantes à tous les yeux. M. de Talleyrand les aperçut vraisemblablement comme tout le monde. Mais cela n'indique aucune vision de lynx. Il se compromit d'une manière étrange dans la catastrophe du duc d'Enghien. Il se méprit sur la guerre d'Espagne en 1808, bien qu'il ait voulu plus tard nier ses conseils et reprendre ses paroles. Cependant, un acteur n'est pas prestigieux s'il est tout à fait dépourvu des moyens qui fascinent le parterre. Aussi la vie du prince a-t-elle été une perpétuelle déception. Sachant ce qui lui manquait, il se dérobait à quiconque le pouvait connaître. Son étude constante était de ne pas se laisser mesurer. Il faisait retraite à propos dans le silence. Il se cachait dans les 3 heures muettes qu'il donnait au whist. On s'émerveillait qu'une telle capacité pût descendre aux amusements du vulgaire. Qui sait si cette capacité ne partageait pas les empires en arrangeant dans sa main les 4 valets. Pendant ces moments d'escamotage, il rédigeait intérieurement un mot à effet dont l'inspiration lui venait d'une brochure du matin ou d'une conversation du soir. S'il vous prenait à l'écart pour vous illustrer de sa conversation, sa principale manière de séduire était de vous accabler d'éloges, de vous rappeler l'espérance de l'avenir, de vous prédire des destinées éclatantes, de vous donner une lettre de change de grand homme tirée sur lui et payable à vue. Mais trouvait-il votre foi en lui un peu suspecte? S'apercevait-il que vous n'admiriez pas assez quelques phrases brèves à prétention de profondeur, derrière lesquelles il n'y avait rien? Il s'éloignait, de peur de laisser arriver le bout de son esprit. Il aurait bien raconté, n'était que ses plaisanteries tombaient sur un subalterne ou sur un sot dont il s'amusait sans péril, ou sur une victime attachée à sa personne et plastron de ses railleries. Il ne pouvait suivre une conversation sérieuse. À la 3e ouverture de ses lèvres, ses idées expiraient. D'anciennes gravures de l'abbé de Périgord représentent un homme fort joli. M. de Talleyrand, en vieillissant, avait tourné à la tête de mort. Ses yeux étaient ternes, de sorte qu'on avait peine à y lire, ce qui le servait bien. Comme il avait reçu beaucoup de mépris, il s'en était imprégné, et il l'avait placé dans les 2 coins pendants de sa bouche. Une grande façon qui tenait à sa naissance, une observation rigoureuse des bienséances, un air froid et dédaigneux, contribuait à nourrir l'illusion autour du prince de Bénévent. Ses manières exerçaient de l'empire sur les petites gens et sur les hommes de la société nouvelle, lesquels ignoraient la société du vieux temps. Autrefois, on rencontrait à tout bout de champ des personnages dont les allures ressemblaient à celles de M. de Talleyrand, et l'on n'y prenait pas garde. Mais presque seul en place, au milieu des mœurs démocratiques, il paraissait un phénomène. Pour subir le joug de ses formes, il convenait à l'amour-propre de reporter à l'esprit du ministre l'ascendant qu'exerçait son éducation. Lorsqu'en occupant une place considérable, on se trouve mêlé à de prodigieuses révolutions, elles vous donnent une importance de hasard que le vulgaire prend pour votre mérite personnel. Perdu dans les rayons de Bonaparte, M. de Talleyrand a brillé sous la Restauration de l'éclat emprunté d'une fortune qui n'était pas la sienne. La position accidentelle du prince de Bénévent lui a permis de s'attribuer la puissance d'avoir renversé Napoléon et l'honneur d'avoir rétabli Louis XVIII. Moi-même, comme tous les badauds, n'ai-je pas été assez niais pour donner dans cette fable. Mieux renseigné, j'ai connu que M. de Talleyrand n'était point un Warwick politique. La force qui abat et relève les trônes manquait à son bras. De Benets impartiaux disent « Nous en convenons, c'était un homme bien immoral, mais quelle habileté !» Hélas, non. Il faut perdre encore cette espérance, si consolante pour ses enthousiastes, si désirée pour la mémoire du prince, l'espérance de faire de M. de Talleyrand un démon. Au-delà de certaines négociations vulgaires, au fond desquelles il avait l'habileté de placer en première ligne son intérêt personnel, il ne fallait rien demander à M. de Talleyrand. M. de Talleyrand soignait quelques habitudes et quelques maximes à l'usage des sycophantes et des mauvais sujets de son intimité. Sa toilette en public, copiée sur celle d'un ministre de Vienne, était le triomphe de sa diplomatie. Il se vantait de n'être jamais pressé. Il disait que le temps est notre ennemi et qu'il le faut tuer. De là, il faisait état de ne s'occuper que quelques instants. Mais comme en dernier résultat M. de Talleyrand n'a pu transformer son désœuvrement en chef-d'œuvre, il est probable qu'il se trompait en parlant de la nécessité de se défaire du temps. On ne triomphe du temps qu'en créant des choses immortelles. Par des travaux sans avenir, par des distractions frivoles, on ne le tue pas, on le dépense. Entré dans le ministère à la recommandation de Madame de Staël, qui obtint sa nomination de chénier, M. de Talleyrand, alors fort dénué, recommença 5 ou 6 fois sa fortune. Par le million qu'il reçut du Portugal dans l'espoir de la signature d'une paix avec le Directoire, paix qui ne fut jamais signée, par l'achat des bons de la Belgique à la paix d'Amiens, laquelle il savait, lui, M. de Talleyrand, avant qu'elle fût connue du public, par l'érection du royaume passager d'Étrurie, par la sécularisation des propriétés ecclésiastiques d'Allemagne, par le brocantage de ses opinions au congrès de Vienne. Il n'est pas jusqu'à de vieux papiers de nos archives que le prince n'ait voulu céder à l'Autriche. Dupe cette fois de M. de Metternich, celui-ci renvoya religieusement les originaux après en avoir fait prendre copie. Incapable d'écrire seul une phrase, M. de Talleyrand faisait travailler complètement sous lui. Quand, à force de raturer et de changer, son secrétaire parvenait à rédiger les dépêches selon sa convenance, il les copiait de sa main. Je l'ai entendu lire, de ses mémoires commencées, quelques détails agréables sur sa jeunesse. Comme il variait dans ses goûts, détestant le lendemain ce qu'il avait aimé la veille, si ses mémoires existent entiers, ce dont je doute, et si l'on a conservé les versions opposées, il est probable que le jugement sur le même fait, et surtout sur le même homme, se contrediront outrageusement. Je ne crois pas au dépôt des manuscrits en Angleterre. L'ordre prétendu de ne les publier que dans 40 ans d'ici me semble une jonglerie posthume. Paresseux et sans étude, nature frivole et cœur dissipé, le prince de Bénévent se glorifiait de ce qui devait humilier son orgueil, de rester debout après la chute des empires. Les esprits du premier ordre qui produisent les révolutions disparaissent, les esprits du second ordre qui en profitent demeurent. Ces personnages de lendemain et d'industrie assistent au défilé des générations. Ils sont chargés de mettre le visa au passeport, d'homologuer la sentence. M. de Talleyrand était de cette espèce inférieure. Il signait les événements, il ne les faisait pas. Survivre au gouvernement, rester quand un pouvoir s'en va, se déclarer en permanence, se vanter de n'appartenir qu'au pays, d'être l'homme des choses et non l'homme des individus, c'est la fatuité de l'égoïsme mal à l'aise, qui s'efforce de cacher son peu d'élévation sous la hauteur des paroles. On compte aujourd'hui beaucoup de caractères de cette équanimité, beaucoup de ces citoyens du sol, Toutefois, pour qu'il y ait de la grandeur à vieillir comme l'ermite dans les ruines du Colisée, il les faut garder avec une croix. M. de Talleyrand avait foulé la sienne aux pieds. Notre espèce se divise en deux parts inégales. Les hommes de la mort et aimés d'elle, troupeau choisi qui renaît, les hommes de la vie et oubliés d'elle, multitude de néants qui ne renaît plus. L'existence temporaire de ces derniers consiste dans le nom, le crédit, la place, la fortune. Leur bruit, leur autorité, leur puissance s'évanouissent avec leur personne. Clos leur salon et leur cercueil, close est leur destinée. Ainsi en est arrivé à M. de Talleyrand. Sa momie, avant de descendre dans sa crypte, a été exposée un moment à Londres comme représentant de la royauté cadavre qui nous régit. M. de Talleyrand a trahi tous les gouvernements, et je le répète, il n'en a élevé ni renversé aucun. Il n'avait point de supériorité réelle dans l'acception sincère de ces deux mots. Un fretin de prospérité banale si commune dans la vie aristocratique ne conduit pas à deux pieds au-delà de la fosse. Le mal qui n'opère pas avec une explosion terrible, le mal parcimonieusement employé par l'esclave au profit du maître, n'est que de la turpitude. Le vice, complaisant du crime, entre dans la domesticité. Supposez M. de Talleyrand plébéien, pauvre et obscur, n'ayant, avec son immoralité, que son esprit incontestable de salon, l'on n'aurait certes jamais entendu parler de lui. Ôtez de M. de Talleyrand le grand seigneur avili, le prêtre marié, l'évêque dégradé. Que lui reste-t-il? Sa réputation et ses succès ont tenu à ces trois dépravations. La comédie par laquelle le prélat a couronné ses 82 années est une chose pitoyable. D'abord, pour faire preuve de force, il est allé prononcer à l'Institut l'éloge commun d'une pauvre mâchoire allemande dont il se moquait. Malgré tant de spectacles dont nos yeux ont été rassasiés, on a fait la haie pour voir sortir le grand homme. Ensuite, il est venu mourir chez lui comme Dioclétien en se montrant à l'univers. La foule a payé à l'heure suprême de ce prince aux trois quarts pourris, une ouverture gangréneuse au côté, la tête retombant sur sa poitrine en dépit du bandeau qui la soutenait, disputant minute à minute sa réconciliation avec le ciel, sa nièce jouant auprès de lui un rôle préparé de loin entre un prêtre abusé et une petite fille trompée. Il a signé de guerre lasse, ou peut-être n'a-t-il pas même signé, quand sa parole allait s'éteindre, le désaveu de sa première adhésion à l'Église constitutionnelle. Mais, sans donner aucun signe de repentir, sans remplir les derniers devoirs du chrétien, sans rétracter les immoralités et les scandales de sa vie. Jamais l'orgueil ne s'est montré si misérable, l'admiration si bête, la piété si dupe. Rome, toujours prudente, n'a pas rendu public, et pour cause, la rétractation. M. de Talleyrand, appelé de longue date au tribunal d'en haut, était contumace. La mort le cherchait de la part de Dieu, et elle l'a enfin trouvé. Pour analyser minutieusement une vie aussi gâtée que celle de M. de Lafayette a été saine, il faudrait affronter des dégoûts que je suis incapable de surmonter. Les hommes de plaie ressemblent aux carcasses de prostituées. Les ulcères les ont tellement rongés qu'ils ne peuvent servir à la dissection. La Révolution française est une vaste destruction politique, placée au milieu de l'ancien monde. Craignons qu'il ne s'établisse une destruction beaucoup plus funeste. Craignons une destruction morale par le côté mauvais de cette révolution. Que deviendrait l'espèce humaine si l'on s'évertuait à réhabiliter des mœurs justement flétries, si l'on s'efforçait d'offrir à notre enthousiasme d'odieux exemples, de nous présenter les progrès du siècle, l'établissement de la liberté, la profondeur du génie dans des natures abjectes ou des actions atroces. N'osant préconiser le mal sous son propre nom, on le sophistique. Donnez-nous de garde de prendre cette brute pour un esprit de ténèbres. C'est un ange de lumière. Toute laideur est belle, tout opprobre honorable, toute énormité sublime, tout vice à son admiration qui l'attend. Nous sommes revenus à cette société matérielle du paganisme où chaque dépravation avait ses autels. Arrière ces éloges lâches, menteurs, criminels, qui faussent la conscience publique, qui débauchent la jeunesse, qui décourage les gens de bien, qui sont un outrage à la vertu et le crachement du soldat romain au visage du Christ. Paris, 1839. Étant à Prague en 1833, Charles X me dit « Ce vieux Talleyrand vit donc encore ?» Et Charles X a quitté la vie 2 ans avant Monsieur de Talleyrand. La mort privée et chrétienne du monarque contraste avec la mort publique de l'évêque apostat, traîné récalcitrant au pied de l'incorruptibilité divine. Le 3 octobre 1836, j'avais écrit à Madame la Duchesse de Berry la lettre suivante, et j'y ajoutais un post-scriptum le 15 novembre de la même année. « Madame, Monsieur Walsh m'a remis la lettre dont vous avez bien voulu m'honorer. Je serais prêt à obéir au désir de votre Altesse royale si les écrits pouvaient à présent quelque chose. Mais l'opinion est tombée dans une telle apathie que les grands événements la pourraient à peine soulever. Vous m'avez permis, madame, de vous parler avec une franchise que mon dévouement pouvait seul excuser. Votre Altesse royale le sait. J'ai été opposée à presque tout ce qui s'est fait. J'ai osé même n'être pas d'avis de son voyage à Prague. Henri V sort maintenant de l'enfance. Il va bientôt entrer dans le monde avec une éducation qui ne lui a rien appris du siècle où nous vivons. Qui sera son guide? Qui lui montrera les cours et les hommes? Qui le fera connaître et comme apparaître de loin à la France? Questions importantes qui, vraisemblablement et malheureusement, seront résolues dans le sens que l'ont été toutes les autres. Quoi qu'il en soit, le reste de ma vie appartient à mon jeune roi et à son auguste mère. Mes prévisions de l'avenir ne me rendront jamais infidèle à mes devoirs. Madame de Chateaubriand demande la permission de mettre ses respects aux pieds de madame. J'offre au ciel tous mes vœux pour la gloire et la prospérité de la mère de Henri V, et je suis, avec un profond respect, madame, de votre Altesse royale, le très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. Post-scriptum. Cette lettre attendait depuis un mois une occasion sûre pour parvenir à madame. Aujourd'hui même, j'apprends la mort de l'auguste aïeul de Henri. Cette triste nouvelle apportera-t-elle quelque changement dans la destinée de votre Altesse royale? Oserais-je prier madame de me permettre d'entrer dans tous les sentiments de regret qu'elle doit éprouver et d'offrir le tribut respectueux de ma douleur à monsieur le dauphin et à madame la dauphine? Chateaubriand. 15 novembre. Charles X n'est plus. 60 ans de malheur ont paré la victime. 30 ans d'exil. La mort à 79 ans en terre étrangère. Afin qu'on ne pût douter de la mission de malheur dont le ciel avait chargé ce prince, c'est un fléau qu'il est venu chercher. Charles X a retrouvé à son heure suprême le calme, l'égalité d'âme qui lui manquèrent quelquefois pendant sa longue carrière. Quand il apprit le danger qui le menaçait, il se contenta de dire « Je ne croyais pas que cette maladie tournât si court ». Quand Louis XVI partit pour l'échafaud, l'officier de service refusa de recevoir le testament du condamné parce que le temps lui manquait et qu'il devait, lui, officier, conduire le roi au supplice. Le roi répondit « C'est juste ». Si Charles X, dans d'autres jours de péril, eût traité sa vie avec cette indifférence, qu'il se fût épargné de misère. On conçoit que les Bourbons tiennent à une religion qui les rend si nobles au dernier moment. Louis IX, attaché à sa postérité, envoie le courage du saint les attendre au bord du cercueil. Cette race sait admirablement mourir. Il y a plus de 800 ans, il est vrai, qu'elle apprend la mort. Charles X en est allé, persuadé qu'il ne s'était pas trompé. S'il a espéré dans la miséricorde divine, c'est en raison du sacrifice qu'il a cru faire de sa couronne à ce qu'il pensait être le devoir de sa conscience et le bien de son peuple. Les convictions sont trop rares pour n'en pas tenir compte. Charles X a pu se rendre ce témoignage que le règne de ses deux frères et le sien n'avait été ni sans liberté ni sans gloire. Sous le roi martyr, l'affranchissement de l'Amérique et l'émancipation de la France. Sous Louis XVIII, le gouvernement représentatif donné à notre patrie. Le rétablissement de la royauté opérée en Espagne, l'indépendance de la Grèce recouvrée à Navarin, sous Charles X, l'Afrique à nous laissée en compensation du territoire perdu par les conquêtes de la République et de l'Empire. Ce sont là des résultats qui demeurent acquis à nos fastes, en dépit des stupides jalousies et des vaines inimitiés. Ces résultats ressortiront davantage à mesure que l'on s'enfoncera dans les abaissements de la royauté de Juillet. Mais il est à craindre que ces ornements de prix ne soient qu'au profit des jours expirés, comme la couronne de fleurs sur la tête d'Homère chassée avec grand respect de la République de Platon. La légitimité semble aujourd'hui n'avoir pas l'intention d'aller plus loin. Elle paraît adopter sa chute. La mort de Charles X ne pourrait être un événement effectif qu'en mettant un terme à une déplorable contestation de sceptre et en donnant une direction nouvelle à l'éducation de Henri V. Or, il est à craindre que la couronne absente soit toujours disputée, que l'éducation finisse sans avoir été virtuellement changée. Peut-être, en s'épargnant la peine de prendre un parti, on s'endormira dans des habitudes chères à la faiblesse, douces à la vie de famille, commodes à la lassitude, suite de longues souffrances. Le malheur qui se perpétue produit sur l'âme l'effet de la vieillesse sur le corps. On ne peut plus remuer, on se couche. Le malheur ressemble encore à l'exécuteur des hautes justices du ciel. Il dépouille les condamnés, arrache au roi son sceptre, aux militaires son épée. Il ôte le décorum aux nobles, le cœur aux soldats, et les renvoie dégradés dans la foule. D'un autre côté, on tire de l'extrême jeunesse des raisons d'atermoiement. Quand on a beaucoup de temps à dépenser, on se persuade qu'on peut attendre. On a des années à jouer devant les événements. Ils viendront à nous, s'écrit-on, sans que nous nous en mettions en peine. Tout mûrira, le jour du trône arrivera de lui-même. Dans 20 ans, les préjugés seront effacés. Ce calcul pourrait avoir quelque justesse si les générations ne s'écoulaient pas ou ne devenaient pas indifférentes. Mais telle chose peut paraître une nécessité à une époque et n'être pas même sentie à une autre. Hélas, avec quelle rapidité les choses s'évanouissent! Où sont les 3 frères que j'ai vus successivement régner? Louis XVIII habite Saint-Denis avec la dépouille mutilée de Louis XVI. Charles X vient d'être déposé à Goritz dans une bière fermée à 3 clés. Les restes de ce roi, en tombant de haut, ont fait tressaillir ses aïeux. Ils se sont retournés dans leur sépulcre. Ils ont dit, en se serrant, « Faisons place, voici le dernier d'entre nous ». Bonaparte n'a pas fait autant de bruit en entrant dans la vie éternelle. Les vieux morts ne se sont point réveillés pour l'empereur des morts nouveaux. Ils ne le connaissaient pas. La monarchie française lie le monde ancien au monde moderne. Augustule quitte le diadème en 476. 5 ans après, en 481, la première race de nos rois, Clovis, règne sur les Gaules. Charlemagne, en associant au trône Louis le Débonnaire, lui dit « Fils cher à Dieu, mon âge se hâte, ma vieillesse même m'échappe, le temps de ma mort approche. Le pays des Francs m'a vu naître, Christ m'a accordé cet honneur. Le premier d'entre les Francs, j'ai obtenu le nom de César et transporté à l'Empire des Francs l'Empire de la race de Romulus. » Sous Hugues, avec la 3e race, la monarchie élective devient héréditaire, l'hérédité enfante la légitimité ou la permanence ou la durée. C'est entre les fonts baptismaux de Clovis et l'échafaud de Louis XVI qu'il faut placer l'empire chrétien des Français. La même religion était debout aux 2 barrières. Doux sycambre, incline le col, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré, dit le prêtre qui administrait à Clovis le baptême d'eau. Fils de Saint-Louis, montez au ciel, dit le prêtre qui assistait Louis XVI au baptême du sang. Quand il n'y aurait dans la France que cette ancienne maison de France bâtie par le temps et dont la majesté étonne, nous pourrions, en fait de choses illustres, en remontrer à toutes les nations. Les Capets régnaient lorsque les autres souverains de l'Europe étaient encore sujets. Les vassaux de nos rois sont devenus rois. Ces souverains nous ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité a reconnus authentiques. Les uns sont appelés Augustes, Saints, pieux, grand, courtois, hardi, sage, victorieux, bien-aimé, les autres pères du peuple, pères des lettres. Comme il est écrit par Blâme, dit un vieil historien, que tous les bons rois serviens aisément pourroient tenir en un anneau, les mauvais rois de France y pourroient mieux, tant le nombre en est petit. Sous la famille royale, les ténèbres de la barbarie se dissipent, la langue se forme, les lettres et les arts produisent leurs chefs-d'œuvre. Nos villes s'embellissent, nos monuments s'élèvent, nos chemins s'ouvrent, nos ports se creusent, nos armées étonnent l'Europe et l'Asie, et nos flottes couvrent les deux mers. Notre orgueil se met en colère à la seule exposition de ces magnifiques tapisseries du Louvre. Des ombres, des broderies d'ombre nous choquent. Inconnus ce matin, plus inconnus ce soir, nous ne nous en persuadons pas moins que nous effaçons ce qui nous précéda. Et toutefois, chaque minute en fuyant nous demande « Qui es-tu ?» Et nous ne savons que répondre. Charles X lui a répondu. Il s'en est allé avec une ère entière du monde. La poussière de 1000 générations est mêlée à la sienne. L'histoire le salue, les siècles s'agenouillent à sa tombe. Tous ont connu sa race, elle ne leur a point failli, ce sont eux qui y ont manqué. Roi banni, les hommes ont pu vous proscrire, mais vous ne serez pas chassés du temps. Vous dormez votre dure somme dans un monastère, sur la dernière planche jadis destinée à quelques franciscains. Point de héros d'armes à vos obsèques, rien qu'une troupe de vieux temps blanchis et chenus, point de grands pour jeter dans le caveau les marques de leur dignité, ils en ont fait hommage ailleurs. Des âges muets sont assis au coin de votre bière, une longue procession de jours passés, les yeux fermés, mène en silence le deuil autour de votre cercueil. À votre côté repose votre cœur et vos entrailles arrachées de votre sein et de vos flancs, comme on place auprès d'une mère expirée le fruit abortif qui lui coûta la vie. À chaque anniversaire, monarque très chrétien, cénobite après trépas, quelque frère vous récitera les prières du bout de l'an. Vous n'attirerez à votre sigil éternel que vos fils bannissent avec vous, car même à Trieste, le monument de mesdames est vide. Leurs reliques sacrées ont revu leur patrie, et vous avez payé à l'exil, par votre exil, la dette de ces nobles dames. Et pourquoi ne réunit-on pas aujourd'hui tant de débris dispersés, comme on réunit des antiques exhumées de différentes fouilles? L'arc de triomphe porterait, pour couronnement, le sarcophage de Napoléon, où la colonne de bronze élèverait sur des restes immortels des victoires immobiles. Et cependant, la pierre taillée par ordre de ses austrices ensevelit dès aujourd'hui l'échafaud de Louis XVI sous le poids des siècles. L'heure viendra que l'obélisque du désert retrouvera sur la place des meurtres le silence et la solitude de Louxor. Fin de la section 21.